le grand palais de Wish City, le labo. Ratis ! Qui c'est ça, Ratis ? Notre meneur, le chef du troupeau. Le Borgne ! C'est lui, Ratis, n'est-ce pas ? C'est le gros rat Borgne ! Son œil rouge, l'œil de Ratis. Une fois qu'il se pose sur vous, vous portez sa marque à jamais. Quand allez-vous attaquer Wish City ? Pourquoi ? Et puis vous voulez quoi ? C'est pas le moment de mourir, là ! Je t'ordonne de ne pas mourir. Je tue la fille du grand dirigeant. Obéis-moi ! Obéis-moi ! Non ! Non ! Vous n'êtes pas de taille pour nous repousser. Pas de taille. Il n'y a aucun espoir. Non ! Aucun espoir. Dans une crotte, il a coupé ce mouchnoc avec sa griffe. Il a coupé rien qu'avec sa griffe. Les rats taillaient l'air de leurs griffes. Et bientôt, il n'y eut plus rien des bâtisseurs. Je me suis élancé dans une galerie. Finalement, j'aurais préféré me faire casser la gueule par Rosencraft. N'essayez pas de faire du mal. Ratis, tu le trouves pas mignon, ce gnome qui se colle au mur, là ? Il se fait dessus. Ratis, il y a Ratis peur qui fait que je le rattrape et que je le crotte. Non. Celui-là, je m'en occupe. J'ai un petit creux. Et quant à celui qui se pisse dessus, laissez-le vivant pour l'instant. Je ne veux pas mourir. Ce qui t'attend est bien pire que la mort, mon gars. Bien. J'ai couru plus vite que jamais, tournant dans les galeries, cherchant désespérément un chariot abandonné et avec un peu de chance encore en état de marche. Un rail s'élevait dans une des galeries, porté par des gros pylônes en fer. Et puis une descente. Ce rail servait à porter les marchandises dans les hangars de Wish City, situés en dessous de la ville. Une immense descente. Seuls les chariots sans passagers pouvaient s'y risquer. Je me suis hissé sur les rails et j'ai grimpé comme j'ai pu, glissant par moments, pour enfin atteindre le sommet. Juste à côté, sur une plateforme, deux chariots attendaient qu'on les remplisse. Mais de caisse, pas de Bifwish. Il n'y avait aucun moyen de les piloter. Il fallait juste les lancer sur la pente et ils allaient frapper quelques kilomètres en profondeur contre des filets. Je n'avais pas d'autre solution, de toute façon. Peut-être se lancer et pousser un des chariots. Je ne l'avais pas entendu approcher. Je ne l'avais pas senti tomber du plafond de la galerie et poser ses pattes griffues sur les rails. J'ai juste frémi lorsque son souffle m'a effleuré le dos. Et ce grognement. Qu'est-ce que tu comptes faire, petite merde ? Rentrer chez moi ? Chez toi ? C'est dans mon ventre ! Non ! Je me suis retourné vivement, sans mesurer la portée de mon geste. J'aurais pu sauter dans le chariot et m'élancer. Peut-être aurais-je pu échapper à ses griffes. Je me suis retourné, gardant mes mains et mon dos posés contre le chariot. Je serrais fermement le métal. Le borgne. Immense. Le plus gros des rats. Le plus puissant. Non quoi ? Non, vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? Le grand trou ? Vous y avez accès pourtant. Alors si c'est passer le grand trou que vous voulez, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'attaquer Wish City. Attaquer ? Comment tu sais ça ? Vous ne nous aurez pas. Tu me plais bien. Idiot. Insolent. Mais assez marrant. Tu crois avoir affaire à qui ? Nous ne sommes pas juste des rats. Non. Nous sommes bien plus. Tu crois que nous voulons le grand trou ? Non. Pas le grand trou. Le rat s'est mis à quatre pattes, souriant. Vous possédez autre chose de bien plus intéressant. Sais-tu au moins ce qu'il y a derrière ce grand trou ? Un autre monde ? Oui. Est-ce que je te mange tout de suite ou... On peut pas faire un tarot avant. Toi, tu ne veux pas te résoudre à mourir. Regarde où tu es. Tu n'as aucune chance de t'enfuir. Vraiment? Au fait, on s'est pas présenté. Pourquoi? Oh, pour rien. Il fallait que je sois courageux, au moins une fois dans ma vie. C'est juste que j'aime savoir à qui je fous mon pied dans la gueule. J'ai sauté, les pieds en avant, poussant le chariot par là même, avant que celui-ci ne m'entraîne, mes jambes ont percuté la gueule étonnée du gros rat. Et le vent a sifflé. J'ai pivoté, tête en bas, les mains sur les bords du chariot en descente pour retomber à l'intérieur, tétanisé. Jamais de ma vie je n'avais roulé sur un rail aussi rapidement. J'avais réussi à échapper au rat. Et peut-être au pire des leurs, celui qu'on appelait Ratis. Et quand je fermais les yeux pour ne pas voir le chariot fondre vers le filet d'arrêt qui stoppait les chariots de marchandises dans les hangars, quand je fermais les yeux, il y avait toujours cette pupille rouge, brûlante, posée sur moi. L'œil du borgne. L'œil de Ratis. Bah, fouille.